ça ira demain. Je ne sais pas si ce que l'on fait est bien, mais sois sûr que le présent est à l'heure. Profitons de l'instant loin de nos peurs. Est-ce que notre temps est fini? L'infortune des âmes détruit. Mais croyons en ce chemin qui file. Ne nous contentons pas de ce qui est facile. Est-ce que ça ira demain? Est-ce que ça ira demain? Est-ce que tu ne pleureras plus? Ta tristesse, tes larmes me tuent. Mais ces sourires souvent me font espérer que longtemps nous serons à côté. Est-ce qu'aujourd'hui est une chance? Plutôt les meilleures conséquences. Mais il va nous falloir chaque saison. Nous est possible, abusons de nos rêves d'invincibles. Mais peut-être que survivront nos amants, mes instincts, au milieu de ceux qui nous tendent leurs mains. Allez, fais pas tout. Est-ce que ça ira demain?